Avertissement, ceci est un conte de fées anarchiste. 3, 4. Trois petits coups de bec, la brèche s'effile tout doucement, le jour entre d'un coup sec. Tu ouvres tes yeux bien tranquillement, pas trop pressé de sortir de là. Toi tu tentes la resquille, en regardant le monde d'en bas, tu préfères le shot à coquille. T'as bien raison petit gars, tu commenceras seul ton combat. Celle qui t'amuse ici-bas ne reviendra sûrement pas. Elle était partie en mission nuit chercher quelques gâteries, une miche de pain sur la voie puissante de Michelin, la formule plus. Qu'importe, la seule chose qui compte, c'est que t'es le produit d'une erreur de pompe. T'es pas un canari avec une cage ni même un prix. T'assumes ta condition en tant que grand et valeureux pigeon. Pour faire ou plier, chier sur les piétons. C'est bien ça, de chier sur les gens. Ta-ta-ta. Pour avoir bouffé régulièrement le reste de chez Quick. Tain. Pour avoir teasé trop fréquemment les gerbes d'alcoolique. Tain. Urbain le pigeon, parisien paye bien son tribut. Quotidien urbain le pigeon, parisien sent bien qu'il a des ailes de nain. Urbain est un pur produit citadin, il vole comme plein de raies. Les oursins urbains et ses petites ailes de nain, il colle au sol, il sert à rien, à rien, à rien. Trois petites barres de cake, tu bois un velouté de Ceylan, à part avec vue un bec. Tu vis dedans pour dormir seulement 8 heures du mat, qu'est-ce tu fous là en retard, tu perds des billes. Il faudrait pas qu'à la fin du mois ton patron te prenne pour une quille. T'as bien raison petit gars, tu payes bien assez d'impôts comme ça depuis que dans la rue des Lilas on rénove le commissariat. Alors faut que tu cours gagner ta vie et celle de la mairie. Si ça t'arrange de prendre le bus, y'a carte orange, la formule plus. Qu'importe, la seule chose qui compte, c'est que tu consommes sans trop faire les comptes. Et une carte de crédit qu'achète une vie qui n'a pas de prix. T'assumes ta condition en tant que con et bienheureux pigeon. Vous faites tout payer et te faire chier comme piéton. Ah ouais, là pour le coup c'est franchement moyen. Ta-ta-ta. Pour pouvoir bouffer régulièrement dans les restaurants chics. Tain. Pour pouvoir vivre décemment dans un espace public. Tain. Urbain le pigeon, parisien paye bien son tribut. Quotidien urbain le pigeon, citoyen donne sa vie aux politiciens. Urbain est un pur produit citadin qui consomme tout, qui a besoin de rien. Urbain ne fait jamais le malin, on lui pue tout et il dit rien, dit rien, dit rien. Change rien, tin, tin.